Bon après-midi et merci pour votre fidélité. Il est 13h15 dans le studio de la radio associative indépendante au Bon FM, mettant de prix Bujumbura. L'actualité de cette 15e mi-journée du mois de septembre à de vous. Le journal avec Willy Sintaïheura. Didier Irambona est de l'autre côté vitré. D'abord, les grandes articulations de ce journal. L'alcool a de nombreuses conséquences sur la santé, mais aussi peut entraver le développement social. Vous entendrez plus dans cette édition avec un alcoologue. Et 100 000 francs, une amende est fixée par le maire de la ville de Bujumbura pour toute personne qui ne respectera pas les mesures barrières contre la COVID-19 est très lourde. Il fallait plutôt la sensibilisation pour connaître leur importance. Propos de certains habitants de la mairie de Bujumbura. Célébration de la journée internationale de la démocratie aujourd'hui 15 septembre. Dans la démocratie pour le parti qu'au début, les élus du peuple devraient toujours consulter les citoyens avant la prise de décision. Pour l'ONG locale PACEM, la démocratie est caractérisée par le respect de la dignité humaine et de la loi. Et c'est mercredi comme à l'accoutumée, la chronique sur le droit de la femme est au rendez-vous. Bienvenue. Bon après-midi encore. Certains habitants de la capitale économique Bujumbura n'ont pas accueilli de la même façon la mesure de payer une amende de 100 000 francs bou à celui qui ne respectera pas les mesures barrières contre la COVID-19 dont le port de masque est fixé par le maire de la ville de Bujumbura. Certaines personnes entretenues avec l'RSF Bonesha FM seulement que cette amende est plus élevée et d'autres demandent qu'il fallait d'abord la sensibilisation sur l'importance de ces mesures barrières contre la COVID-19 suivies. J'ai bien accueilli la mesure car c'est dans l'objectif de se protéger contre la COVID-19. Mais l'amende de 100 000 francs exigée pour celui qui ne portera pas le masque est plus élevée. Il faut que chaque personne sache qu'il se trouve dans une foule et qu'il doit porter le masque. C'est la meilleure façon de se protéger contre la COVID-19. Sinon, on peut même augmenter l'amende suite à l'ignorance de la population. Moi, puisque je suis un simple citoyen, je dois mettre en application la décision prise par les autorités. Nous demandons que cette somme d'amende soit réduite, sinon la mesure de porter les masques est bonne. En fait, à propos de cette amende de 100 000 francs pour les non-ports des masques en public, je pense que c'est une décision raisonnable. Je veux d'abord que dans les autres pays, cette décision, ce genre de décision, il existe déjà et ça aide pour limiter la propagation des virus, des coronavirus. Mais malheureusement, c'est que la population, il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de sensibilisation auprès de la population. Et le même de peu que le gouvernement essaie de faire, c'est que la population ne le prend pas au sérieux. Alors il faut mettre parfois ce genre de décisions, ce genre d'amendes, que cela s'accompagne par une sensibilisation, par une forte sensibilisation pour que tout le monde arrive à le comprendre. À mon avis, comme quelqu'un qui a été testé positif au COVID-19 et qui a guéri, cette amende n'est pas nécessaire. Vu l'existence de COVID-19 au Burundi, nous allons payer cette amende comme l'exige la loi. Mais ça ne signifie pas que ce coronavirus va disparaître. Cette amende est plus élevée par rapport au mode de vie de la population. Mais nous devons nous conformer à la loi pour bien collaborer avec les autorités. Cette mesure a été prise par le maire de la ville de Bujumbura hier. Et politique, à présent, la démocratie, c'est le fait de se choisir les institutions et organiser le fonctionnement et le contrôle. Ce sont des propos de Kefani, vice-président du parti Kodebou, en cette date du 15 septembre, qui est une journée internationale de la démocratie. Kefa appelle tous les élus du peuple à consulter ces derniers avant de prendre des décisions importantes qui les concernent. Kefani Bidi. Il s'agit d'un mécanisme qui donne la liberté à la population d'un pays donné d'organiser la gouvernance de son pays en mettant en place les institutions, en organisant comment ces dernières fonctionnent, mais aussi en exerçant le contrôle de l'action gouvernementale est de façon libre. Et les dirigeants qui ont été élus doivent consulter à tout moment la population, notamment les catégories concernées, quand il faut mettre en place des lois ou prendre des décisions importante. Au Burundi, il faut savoir que nous sommes une jeune démocratie qui ne date que d'une trentaine d'années. Donc il y a beaucoup de défis à relever. C'est vrai que nous avons la démocratie procédurale où il y a des institutions qui sont mises en place à travers les élections et des lois qui sont mises en place par les représentants du peuple. Mais à ce qui est de la qualité démocratique, il y a toujours des défis et qui sont manifestés par le fait que il y a souvent des grognes après les élections, soit parce que ceux qui grognent ne veulent pas que ça vote le 22 des urnes, soit parce que les élections étaient organisées par des organes qui ne reflétaient pas exactement la confiance de tous les concurrents, et donc cela constitue un handicap pour la démocratie. Il se résolve également à un certain sentiment pour certains de monopartisme où certains militants des partis politiques veulent savoir qu'on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas le même accès aux services publics, par exemple, ou aux emplois publics, quand vous n'êtes pas du parti qui a gagné les élections. Quand ça s'ajoute, le fait est que certains partis politiques peuvent ne pas avoir des facilités égales aux autres quant au fonctionnement quotidien des partis politiques. Kefa Nibizi, le président du Parti Kodebu, et l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par Semane Sigle fait savoir que la démocratie se limite à l'organisation des élections pour certaines personnes. Faustin Ndikumana, directeur national de la PASEM, indique que la démocratie est caractérisée par le respect de la dignité humaine et de la loi. Ndikumana rappelle qu'en démocratie, chacun a droit d'opinion, quelles que soient les conditions. Faustin Ndikumana. Pour plusieurs personnes, la démocratie se limite à l'organisation des élections, parce que les élections, ce sont des postes qu'on va occuper. Non, la démocratie, même si elle doit se baser sur des élections libres et transparentes, mais elle est basée sur le comportement des dignitaires après les élections. Il faut vraiment bannir l'égoïsme des dirigeants, le détournement et l'enrichissement illicite des victimes d'autorité, la violation de la loi, ou bien le comportement d'écraser les plus faibles en utilisant la position qu'on a dans le pouvoir. La démocratie doit être centrée sur la séparation de pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif du président de la République jusqu'à l'administration, dans la base, la société absente, doivent reconnaître l'autorité du pouvoir judiciaire pour que celle-ci puisse protéger tout le monde, garantir les droits des personnes. Le respect de la loi, l'état de droit doit se baser sur cette séparation de pouvoir. Et aussi, un élément très important, c'est la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Il ne faut pas que les militaires, quel que soit leur rang, puissent utiliser la force de l'arme au lieu de respecter la loi, les droits des citoyens dans un régime démocratique. D'abord, la dignité humaine. Chaque personne compte à sa dignité. Chaque personne, quel que soit son rang, il compte. Les libertés d'opinion, il y a aussi l'égalité de tous devant la loi. La tolérance politique. En démocratie, quand il y a des violations de la loi, quand les gens se sentent sans une injustice, menacés par une injustice quelque part, ils doivent le revendiquer. Éducation à présent. La coalition Bafashebig conseille aux élèves de mettre en avant l'importance de l'école au lieu de la consommation de l'alcool. Maître Jean Samandali, président de cette coalition, indique que l'avenir du pays se trouve entre les mains de ses élèves et demande aux éducateurs d'informer les parents chaque fois qu'il y ait l'absence non justifiée d'un élève en classe. Maître Jean Samandali. Comme la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2021-2022 a eu lieu ce 13 septembre 2021, on peut donner des conseils à ces jeunes élèves, comme ils étaient pendant les grandes vacances. Ils peuvent avoir acquis un mauvais comportement, notamment le comportement de consommer l'alcool. Mais il faut qu'ils sachent que leur avenir se trouve dans l'éducation. Non seulement leur avenir, mais aussi l'avenir de leur famille et l'avenir aussi pour le pays, puisque ce sont les futurs cadres de demain. Et s'ils ne s'attellent pas, s'ils ne se donnent pas à leur éducation, c'est foutu pour lui, c'est foutu pour la famille, ce sera foutu aussi pour le pays. Alors le conseil que je peux donner, que je peux prodiguer à ce genre d'enfants, d'abord qu'ils sachent que l'alcool ne vaut rien. Ils doivent préparer leur avenir, et non pas en consommant l'alcool, et non pas en abandonnant la classe pour se donner à l'alcool, mais en s'adonnant à leurs études, en faisant la révision dès l'arrivée à la maison. Je recommanderais aussi aux parents de suivre, de bien suivre leurs enfants et aussi aux éducateurs, puisque l'enfant peut quitter l'école avant la fin de la journée, de la classe, et il n'arrive pas à la maison, il va passer ailleurs pour consommer l'alcool. Alors, il faut qu'il y ait une communication étroite entre les éducateurs et les parents. Lorsque l'enseignant a constaté que l'enfant n'est pas en classe ou il est parti avant l'heure sans aucun motif, il faut qu'il informe son parent pour que demain ou après-demain, le parent aussi se rende compte que son enfant a fait une école buissonnière. Maître Jean Samandali, et l'alcool a de nombreuses conséquences chez la personne qui la consomme excessivement. C'est du moins ce qu'indique Dr. Léonard Bivagoumier, alcoologue et professeur de l'université. Docteur Bivagoumier explique que l'excès de l'alcool peut être à l'origine de plusieurs maladies chez le consommateur, entre autres l'hépatite et l'hypertension. Il signale également que celui qui s'adonne à la consommation excessive peut entraver le développement social. Docteur Léonard Bivagoumier. L'alcool, c'est une drogue autorisée au Burundi. Seulement, il existe des conséquences d'une consommation excessive ou inappropriée d'alcool sur l'individu lui-même, sur la famille et sur la société, et pourquoi pas sur le pays. Il existe des maladies qui sont dues à la consommation excessive d'alcool. On a des stades, on peut avoir un usage simple, une consommation à risque ou une consommation avec dépendance. La consommation avec dépendance, c'est ces gens qui ont perdu la liberté de s'abstenir de boire, qui doivent boire à tout prix. On peut avoir une obésité due à la consommation excessive d'alcool, des conséquences sur le système endocrinologique avec des gens qui développent une stérilité ou bien des troubles des règles ou bien qui sont impuissants. Il y a des conséquences sur la capacité de voir. Il existe les cancers, c'est beaucoup de cancers. On commence par le cancer de la gorge. Il y a les maladies du foie, les hépatites alcooliques, les cirrhoses du foie qui peuvent se transformer en cancer, carcinome hépato-cellulaire. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à la consommation excessive d'alcool. Après, il y a les maladies cardiovasculaires, les hypertensions artérielles, les accidents vasculaires cérébraux. Donc, il y a énormément de conséquences. La consommation d'alcool dilapide notre bourse, puisque pour boire de l'alcool, il faut l'acheter avec de l'argent qui pourrait servir à des choses parfois plus utiles. Docteur Léonard Bivagoumier, alcoologue, c'est après que le président de l'Assemblée nationale s'inscrit en faux contre la situation des élèves qui prennent des boissons alcoolisées. Daniel Ziraz Ndabila déplore que des mineurs boivent à un niveau élevé ces derniers jours. Direction Rumonge, l'huile qui entre au Burundi à provenance de la République démocratique et du Congo ne vient plus. Et la faible production et l'augmentation des consommateurs sont les principales causes de la rareté de l'huile de palme. Cela a été dit par certains des intervenants dans la consommation et la commercialisation de l'huile de palme à Rumonge. Ces derniers indiquent toutefois que la récolte n'est plus bonne suite au manque de fertilisants, mais l'extraction de l'huile qui reste à grande échelle artisanale impacte aussi la productivité de Rumonge. Félix Ndorbonagne. Les raisons de la rareté et la cherté de l'huile de palme sur le marché sont multiples selon plusieurs intervenants dans ce secteur. Au niveau de l'office de l'huile de palme, l'on nous indique que plus de 70% de la production d'huile de palme au niveau national est aujourd'hui achetée par les sociétés Savonor et Life. Et il donne l'exemple de la société Savonor qui transforme l'huile achetée en huile raffinée dit cookie. Et bon nombre de consommateurs n'ont plus la capacité d'acheter cette huile qui est plus raffinée. Autre raison avancée par les commerçants disent que ces dernières années, l'huile de palme produite dans certaines localités du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans une localité comme Maniema, et qui était commercialisée au Burundi, mais aujourd'hui, avec la situation et le contexte du Covid-19, seront les plus possibles. Les palmiculteurs, quant à indiquer la production, ne fait que dégringoler à cause du manque d'engrais chimiques pour fertiliser les champs de palmiers à huile. Il lance l'appel au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions de faciliter l'accès aux engrais chimiques afin de fertiliser leurs palmiers à huile. Autre raison, sont reliées à la technique d'extraction de l'huile de palme qui reste rudimentaire car artisanale, ce qui ne favorise pas une extraction de toute l'huile de palme et cela reste aussi un grand défi. Les consommateurs aussi ont augmenté au fur et à mesure alors que la production d'huile de palme n'a pas suivi. Augustin Kabaragas, le directeur général de l'Office d'huile de palme, tranquillise et indique que la situation pourrait changer dans quelques années avec l'extension de la culture du palmier à huile, car aujourd'hui, cette culture se cultive dans certaines communes et dans 10 provinces de notre pays et indique que d'ici quelques années, la production sera suffisante et l'huile de palme sera disponible et accessible sur le marché. Mais certains intervenants dans le secteur de la transformation indiquent que le grand défi reste la transformation qui reste artisanale. Ils lancent un appel au gouvernement et à d'autres partenaires pour appuyer les palmiculteurs, surtout dans le domaine de la transformation de l'huile de palme. Depuis Rumongue, Félix Nzorwonanya, bon échange. Merci à Félix Nzorwonanya d'Ormongue vers Ngozi. La saison pluvieuse débutera entre 15 derniers jours du mois de septembre et 10 premiers jours du mois d'octobre prochain. Cela a été porté public par l'Institut géographique du Burundi, IDEBO, en sigle lors d'un atelier de dissémination de la prévision de la saison culturelle atténuée en province Ngozi. Cet institut ajoute que la fréquence pluviale sera bonne dans les régions de Mugamba, Imbo, une partie du Kumoso, Kilimiro, Buyenzi, Bututsi et Migwa. Les moniteurs agricoles de la province de Ngozi invitent la population de Ngozi de s'aimer à la vue de la pluie abondante. Et sécurité, à présent, 8 personnes accusées d'être auteurs de vols répétitifs de batteries des véhicules au quartier Kinanila 2 de la zone Moussaga, en commune Moura de la mairie de Bujumbura, sont déjà détenus à la prison centrale de Mimba, dit par Eric Huitonze, chef du quartier Kinanila 2, qui indique toutefois que la sécurité était en général bonne dans cette localité, plus avec FMTZ. Son responsable administratif à la base au quartier Kinanila 2 de la zone Moussaga, en commune Moura de la mairie de Bujumbura, témoigne que la sécurité est bonne dans sa circonscription, à part ses vols répétitifs et des batteries des voitures. À ce qui concerne la sécurité, dans notre quartier, la sécurité est en général bonne, même s'il y a quelques cas de vols de batteries, de voitures, de ménages la nuit. Mais nous essayons de travailler en cas d'illogie. Et ceux qui sont appréhendés sont traduits en justice. Eric Huitonze, chef de quartier Kinanila 2, fait savoir que 8 personnes sont déjà détenues à la prison centrale de Mpimba, accusées d'être auteurs de ces vols répétitifs et des batteries. Il y a environ 8 personnes qui sont déjà arrêtées et transmises aux forces de l'ordre. Il y a même ceux qui sont déjà détenus à la prison centrale de Mpimba. Son responsable administratif le dit, après que doté de cadeaux volés et été déclaré en zone Kinindo, la voisine de Moussaga, aux 3 voleurs ont été tués par la police en train d'escalader les clôtures des ménages au quartier Kinindo à la rue Muhanga vers 3h du matin, comme l'a confirmé le ministère en charge de la sécurité publique. Chronique économie sur Bonne FM. Dans la rubrique droit de la femme et de sommet-crédit, grogne de certaines femmes malmenées par leur mari. Elle demande des sanctions contre les violences basées sur le genre, plus avec médiatrice Emel Savi. Ces femmes affirment avoir subi des violences dans leur ménage. Elles pointent du doigt à leur mari illégal. Elles précisent qu'elles ont des maris infidèles qui entretiennent des concubines et que leurs époux les bâtissent et les maltraitent. Cette femme dit que, à part les violences si citées, son mari gaspille les biens de sa famille. Ça fait 20 ans que je suis mariée. J'ai 6 enfants. Je n'ai pas de bonnes relations avec mon mari. Ce que nous parvenons à gagner, mon mari gaspille tout en dilapidant cet argent à ses concubines. Quelquefois, il me bat. Et ce n'est pas un bon exemple pour les enfants. Nous nous disputons parfois. Il m'injurie et me menace. Il m'arrive de penser d'abandonner ma famille. Mais ce qui me retient toujours, ce sont mes enfants. Car il est trop brutal. Cette femme dit qu'elle est traumatisée par son mari et indique que son mari crée des querelles chaque fois. Ce qui lui dépasse, et dit qu'un jour elle a choisi de se suicider, mais qu'elle avait pitié de laisser ses enfants seuls. Dans les premiers jours de notre mariage, c'était la belle vie. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme un rêve. Il me bat, j'ai même des cicatrices au niveau de mon dos. À cause de la maltraitance, il m'arrive de penser au divorce. Mes enfants sont traumatisés. Quand ils rentrent le soir, mes enfants cherchent le coin pour se cacher. Je n'imagine pas laisser mes enfants avec leur père. Alphonsine Bigirimana, de l'Association des femmes juristes, précise qu'il y a plusieurs catégories de violences faites aux femmes. Cette femme juriste dit que la question des biens de la famille est la cause principale des violences que subissent les femmes. Il y a des violences faites aux femmes au niveau corporel. C'est le cas des femmes qui sont battues. Il y a aussi des violences faites à l'endroit des femmes au niveau psychique. Dans ce cas, on est blessé au niveau du cœur. On n'est pas battu, mais le cœur est blessé. C'est cette violence qui cause les maladies mentales pour la plupart des personnes. Il y a aussi des violences liées aux biens familiaux. Ce phénomène est plus fréquent dans les familles et cela est dû à la malversation économique dans certaines familles. Ces femmes demandent à l'État de mettre en place des sanctions sévères à l'endroit des hommes qui maltraitent leurs femmes. Je demande à l'État de contribuer pour le droit de la femme, ainsi éradiquer la polygamie. Il se remarque des hommes mariés à Buterere, ainsi avoir des concubines à Kanyosha. C'est cette situation qui fait que pas mal de familles ne vivent pas en harmonie. Le bien destiné à une famille se disperse illégalement et la plupart de fois, nous les femmes, nous en sommes les victimes. Félix Ngendabanyikwa, secrétaire permanent au ministère de la Solidarité, annonce que son ministère est au courant de ces questions, mais qu'il est en train d'instaurer des mesures pour aider à ceux qui préparent leur mariage en ce qui concerne le code des personnes et de la famille. La plupart des fois, pour la préparation du mariage, surtout pour l'état civil, on ne présente pas tous les articles et relatifs. Dans ce cas, on n'est pas informé de tout. Son manquement occasionne des dégâts au cours de la survie. C'est ce que nous voulons faire face au niveau du ministère pour donner la lumière à l'engagement entre les mariés. Nous pensons que cela va aider à diminuer les violences faites aux femmes. Dans une enquête menée par le centre Seruka en 2020, 590 femmes mais ont subi des violences dans 6 mois seulement. Merci à médiatrice Emel Sabé. C'est par cette chronique que prend fin cette édition de la 15e mi-journée du mois de septembre 2021. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Merci à Didier Irambona qui était de l'autre côté. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayehura. Excellent après-midi et bonne suite de programme.